Je pars rentrer, je pars rentrer chez moi. Je pars rentrer chez moi seule. Je pars rentrer, je pars rentrer chez moi. Je pars rentrer chez moi seule. Je vais au concert pour voir les garçons. Là-bas y'en a plein, sont vraiment mignons. Ils sont si jolis, si excitants. J'adore leur profil, leurs âges du charmant. Celui que je peux faire, je suis dans la rue. Il a disparu et je suis perdue. Je suis pas rentrée, j'ai encore parlé. Fallu à t'aimer, c'est embrasser. Je pars rentrer, je pars rentrer chez moi. Je pars rentrer chez moi seule. Je pars rentrer, je pars rentrer chez moi. Je pars rentrer chez moi seule. Bon appétit, air con, venir. N'ai pas mes dents longues de air. Quand la bouche est bouchée, est moins fort. Nơi bao nhiêu con trai say mê nhìn em. Buổi tối đi dancing cùng anh bạn mới quen. Anh ta không bố trai nhưng trông cũng dễ thương. Mắt anh như si mê anh nhìn tôi đắm đuối. Không quan tâm chỉ anh nên vui tôi cứ vui. Thế nhưng tham lam anh đi tôi thật xa. Tôi nghe cho thêm anh nhìn trông cơn sức thương. Cho nên đi xa thêm ngày anh bạn mới. Chez moi, je pars.